Chapitre 10. De Delhi à Lahore. Nos boys ont disparu. Le palais et le tombeau de Ranjit Singh. Les jardins de Shalimar. Versailles des rois de Lahore. Nos boys sont retrouvés. Mausolée de l'empereur Jahangir. Lahore et ses habitants. Deux mots sur la question afghane. Les Anglais n'aiment pas M. Gladstone. Les Hindous adorent le vice-roi. Umritsar et les Sikhs, leur religion, le temple d'or et la haute gomme Sikh. Retour à Delhi. 5 avril. Au réveil, notre train arpente à toute vapeur la plaine insignifiante qui couvre les trois quarts de l'Hindoustan. À partir d'Umbala, station du sanitarium de Simla, les arbres à coton égayent un peu de leur tache vermillon la monotonie du paysage. Puis la triste nature reprend ses droits. Vers 3 heures, nous atteignons une oasis verdoyante au centre de laquelle Umritsar se cache sous des massifs de rosiers géants dont les senteurs pénètrent jusque dans nos wagons. Ici, un incident. Depuis notre réveil, nos boys n'ont pas paru. Habitués qu'ils sont à venir prendre nos ordres aux stations arrêt, cela nous paraît inquiétant. À plusieurs reprises, nous avons visité les voitures de natifs. Pas de ramjan, pas de boulou et pas de bagages. Un voisin à qui nous exposons notre cas nous donne l'explication suivante. L'Indien est fidèle à son maître jusqu'à ce qu'un intérêt plus puissant le pousse à le lâcher ou à le trahir. Donc vos domestiques fatigués sans doute de vos pérégrinations continues vous ont quitté à l'embranchement de Ghaziabad, emportant à Calcutta vos bagages et tout l'argent que vous avez eu le tort de leur confier. Si mon nez, rendu déjà très malléable par l'inquiétude, s'allonge démesurément à ce récit, celui de mon compagnon est loin d'être devenu camard. La voilà donc revenue, cette vieille guigne que nous pensions avoir laissée en Europe. Que faire? Encore, si nous savions quelques mots d'anglais. Je saisis mon dictionnaire avec rage et je compose 2 dépêches pour les chefs de police de Delhi et de Calcutta. En arrivant à Lahore, nous nous précipitons au télégraphe. Le babou télégraphiste tourne et retourne ma dépêche en tous sens. Sa physionomie m'indique qu'il ne comprend pas un mot à mon anglais de cuisine. Comme de notre côté, nous ne saisissons rien de ce qu'il nous raconte, la situation est sans issue. Le même dialogue avec un employé anglais ne donne lieu à aucun meilleur résultat. C'est complet. Sur ces entrefaites survient très à propos un gentleman complaisant parlant tant soit peu le français qui veut bien traduire ma dépêche en anglais usuel et la faire expédier. Ouf ! Mais à quoi cela servira-t-il ? L'hôtel Nedum où nous descendons est tenu par un Suisse sachant notre langue. Merci, mon Dieu. Je suis trop nerveux pour apprécier les verdoyants abords de la capitale du Punjab et sa gare Châteaufort. Note. Capitale du Punjab, Lahore, 100 000 habitants. Fin de note. Notre dîner manque de gaieté. De plus, ma nuit se passe à guerroyer contre les moustiques. Décidément, c'est une passe à la noire. Faisant néanmoins contre mauvaise fortune bon cœur, nous nous rendons dès le matin au fort, envahi comme celui de Delhi par les constructions du génie militaire, devant lequel une partie seulement du palais de Ranjit Singh a trouvé grâce. Note. Ranjit Singh, dernier roi de Lahore, mort en 1839. Fin de note. Les murs et les voûtes de presque toutes les salles sont semés de petits morceaux de miroirs bombés brochant sur les plus extravagantes moulures. En outre, on a réuni, dans une galerie séparée, une collection assez curieuse de vieilles armes. Voilà tout ce qui reste des splendeurs du généreux ami de Victor Jacquemont. Le tombeau de Ranjit Singh, intérieurement en arabesque sur marbre et extérieurement tout en marbre blanc, est très remarquable. Il consiste en un élégant cube à 2 étages, ornée de 16 loggias et d'un nombre considérable de clochetons de diverses formes réunis par une balustrade finement découpée. Un dôme en forme de tulipe, coronate opus. Quant à l'imposante mosquée d'Aurangzeb, autour de laquelle quatre minarets inachevés semblent jouer aux quatre coins, elle ressemble à celle déjà décrite, mais on y a exagéré la note rouge, sans doute, afin de mieux faire ressortir la pâleur du mausolée qui, deux siècles plus tard, devait être lui donné comme voisin. De là, en moins de 20 minutes, nous arrivons au jardin de Shalimar, Versailles des anciens rois de Lahore. Ce lieu célèbre est un magnifique parc encadrant un gigantesque escalier formé d'une succession de trois terrasses. Un bassin de marbre à 1000 jets d'eau et cascatelles orne chacune des trois marches colossales et tout alentour sont cultivés avec soin les rosiers les plus rares. Le parc lui-même est une forêt régulière de manguiers séculaires présentement en pleine floraison. Pendant que de jeunes hindous armés d'arcs frondes font la guerre aux innombrables habitants ailés de ce lieu de délices, leur père vient nous offrir les plus belles de ces roses. Tout cela serait charmant si nos domestiques ne manquaient pas à l'appel. À notre retour à l'hôtel, les premiers êtres que nous apercevons sont nos boys. La voiture était tout simplement restée en détresse à Ghaziabad. Leur voiture en détresse? Et nous donc? J'ai envie de les embrasser, tellement je suis contente de les revoir. Mais voilà, ma dignité s'y oppose. Suivant le conseil de notre maître d'hôtel, corroboré par des renseignements particuliers, nous décidons d'abandonner le nord de l'Inde sans pousser jusqu'à Peshawar, de toucher bas à Umritsar et de gagner par Ulwar et Ajmer, la province de Bombay, d'où nous reviendrons sur le Deccan. À 3 heures donc, nous serons en wagon. En attendant, comme le mausolée de l'empereur Jahangir n'est qu'à 8 kilomètres, nous mettons le cap sur cet endroit. Au bout d'une demi-heure de voiture, par une large route ombreuse, nous atteignons la Ravée, belle rivière dont les débordements fertilisent cette contrée. Note, la Ravée, affluent de gauche de l'Indus. Fin de note. On se croirait en Normandie, tellement les prairies sont verdoyantes et les bouquets d'arbres touffus. Moyennant 2 roupies, nous franchissons ce gracieux cours d'eau sur un pont de bateau très irrégulièrement jeté. Au débouché de la rive droite, 2 cavaliers mongols, feutre en tête et fouet au poing, se rangent pour nous faire place. Leurs chevaux ressemblent tout à fait à nos petits Camargues et leur nez à une selle anglaise. Ils ont d'ailleurs fort bonne tournure. Nous poursuivons notre route à travers un fouillis de verdure où les manguiers, les cocotiers et les palmiers, nains et géants, se mêlent aux tamaris et aux gigantesques peupliers de la Caroline avec un assaisonnement de parasites et de lianes rappelant le terrail himalayen. La végétation se calme un peu à mesure que nous nous éloignons de la Ravée, puis elle reprend de nouveau. Nous sommes au port. Négligeant les nombreux bâtiments à demi-détruire, accessoires du mausolée, je parlerai seulement du monument lui-même. Il consiste en une immense et haute terrasse rectangulaire dont chaque angle est marqué par un superbe minaret. Les salles intérieures sont revêtues de moulures en stuc et d'inscriptions en marbre noir. Le style de ce tombeau, aussi simple que majestueux, nous a paru être le mauresco persan. Quant au parc, c'est un paradis cultivé, aussi beau que touffu et aussi odorant que fleuri. À peine de retour à Lahore, nous allons flâner dans la ville indigène. Les habitants de cette cité célèbre, bien qu'inférieure à sa réputation, ont tous l'air heureux. Les rues sont propres, les hommes beaux, les turbans énormes, les femmes gracieuses, souvent même jolies, et les maisons sont si bizarrement badigeonnées qu'elles contribuent à augmenter la gaieté des passants. Il en est qu'on ne peut pas regarder sans rire. Enfin, ce peuple, essentiellement barbouilleur, non content de peindre ses maisons, ses cheveux et sa barbe, peint également ses animaux, sans en accepter les chèvres et les poules. C'est tout à fait comique. Attention, voici venir une ravissante hindoue, aux vêtements de gaze blanche brodée d'argent. On dirait, au rayon du soleil, une étoffe tissue de fils de la Vierge et de gouttes de rosée. Ce doit être la perle de Lahore, la Galatée du Punjab ou la reine des Bayadères. Quoi qu'il en soit, sa démarche ondoyante et ses yeux de sphinx hanteront longtemps nos souvenirs. Les Afghans, presque aussi nombreux ici que les Punjabis, ont l'air d'être absolument chez eux. À plusieurs reprises d'ailleurs, nous avons été frappés de la façon cavalière de traiter les hindous. Quelqu'un nous assure qu'il méprise encore davantage les Anglais. Presque toute la question afghane tient en ce sentiment. Mon ami prépare sur ce sujet un travail consciencieux dont le titre doit être « L'Inde sera-t-elle anglaise ou russe ?» Note. Cette brochure a été éditée par la maison Berger-Levrault, 5 rue des Beaux-Arts, en août 1884, avant donc que la question afghane fût à l'état aigu. Fin de note. Son opinion peut être ainsi résumée. Le jour où les Russes, appuyés en arrière sur une solide base d'opération, marcheront résolument sur Herat, clé des golfes d'Oman et Persique, et Mirador des Indes, les Afghans se retourneront contre les Anglais. La révolte se propagera comme une étincelle électrique tout le long de la muraille himalayenne jusqu'au Bhoutan, déjà sourdement hostile, et peut-être jusqu'à la Birmanie. Alors, à la lueur de cette rampe, l'Inde entière se lèvera. Il existe en effet depuis 1857, entre l'Anglais et l'Hindou, une tache de sang tellement large et rouge que la botte russe seule pourra l'effacer, à sa manière. À 3 heures, nous disons adieu à Lahore. J'observe en traversant un cours d'eau un lot de petites tortues couvées de l'œil par un magnifique aigle royal. Malheureusement, un coude de la voie m'empêche d'assister à cet enlèvement de mineurs à corset d'écailles. À Minmir, cantonnement de Lahore, 13 éléphants dont nous apercevons au loin les hautes écuries sont rangés en bataille, attendant les bagages d'un détachement de jeunes soldats arrivant d'Europe. J'ai dit que la tenue des troupiers anglais aux Indes était irréprochable. Par exception, ceux-ci sont débraillés et leurs officiers les invectivent. Mon voisin, à qui j'en fais l'observation, me répond « C'est la faute de M. Gladstone, car cet homme néfaste, ajoute-t-il, nous envoie, grâce à sa loi de recrutement, non des soldats, mais des enfants de troupes dont le climat a bien vite raison. » Note, loi de recrutement. D'après la loi actuellement en vigueur pour l'armée permanente 1881, les engagements sont reçus à partir de 19 ans, mais les hommes de troupes des corps de l'armée régulière en service aux Indes ou dans les autres colonies doivent être âgés de 20 ans. Fin de note. Le Premier ministre ne jouit pas seul ici de la défaveur générale. Le vice-roi peut lui rendre des points. Je l'ai entendu attaquer maintes fois. On lui reproche surtout son bill de liberté par lequel il a en quelque sorte émancipé les Indiens. D'aucuns l'appellent Lord Crémieux et beaucoup affirment qu'au jour de solennités officielles, la mâle voix du canon et les exclamations frénétiques de la population indigène ne couvrent pas toujours les sifflets européens. Je n'émets pas, bien entendu, une opinion personnelle. Je répète seulement ce que j'ai entendu dire. Mais je tiens à constater que la France n'est pas le seul pays où l'on éreinte ses gouvernants. À 5 heures, nous sommes à Umritsar. Quelle ville étrange que cette capitale des Sikhs, avec ses remparts peints et ses habitants à allure de mousquetaires. Les Sikhs sont essentiellement un peuple guerrier. L'Angleterre est payée pour le savoir, mais actuellement, elle en tire un excellent recrutement pour son armée. il y a compensation. Qui dit peuple guerrier dit peuple religieux. Les Sikhs ont donc adopté en 1469 une religion composite dont ils suivent aveuglément les prescriptions, même celles leur défendant de fumer. Nanak, fondateur de cette religion, a résumé sa doctrine dans une Bible précieusement conservée au temple d'or de l'immortalité. Pour pénétrer dans ce lieu, aussi cossu que vénéré, nous devons mettre bas nos bottines et les remplacer par des chaussettes russes perfectionnées. Il explique même à nos boys que le prince de Galles, n'ayant pas voulu se soumettre à cet usage, l'entrée du temple lui a été refusée. Affublés de ses chaussons d'ordonnance, nous marchons vers le monumental lingot d'or que les rayons obliques du soleil font étrangement resplendir. Ce temple de forme carrée est entièrement en marbre blanc incrusté de pierres fines. Mais les deux étages supérieurs, l'intérieur, le dôme et les quatre clochetons sont revêtus d'épaisses plaques d'or ciselées. Le centre de chaque arabesque ou de chaque fleur est formé par une topaze, un grenat ou une turquoise. Les portes sont en argent massif, finement travaillé. Un étang quadrangulaire, bordé de gradins de marbre, entoure ce sanctuaire d'autant plus éblouissant que ses richesses sont parfaitement entretenues et qu'elles s'augmentent sans cesse. Enfin, un pont orné de deux rangées de lampadaires d'or y donne accès du côté nord. Les Sikhs doivent sans doute chercher à dompter la divinité par la prière perpétuelle et la musique âgée continue. Car ils ne cessent de processionner autour de nous en psalmodiant des hymnes pieuses et en menant un tapage instrumental assourdissant. L'intérieur du temple surtout est en pleine fermentation religieuse. Trois rangs de dévots et de prêtres, accroupis tout alentour d'un riche voile recouvrant le livre saint, prient avec ferveur. Chaque processionnant, homme ou femme, entre, se prosterne, dépose une offrande ou une fleur sur le voile, puis continue sa marche ou se tasse contre les parois d'or, suivant, sans doute, son degré de sanctification. Le pourtour du lac est non moins curieux à examiner. Tandis qu'au bas des gradins, les ablutions marchent leur train. En haut du terre-plein, les prédicateurs haranguent à demi-voix un nombreux auditoire attentif et silencieux et des simili-bedeaux circulent distribuant des fleurs ou recueillant des offrandes. Quittant l'étang, nous pénétrons par un couloir dans un sombre jardin intérieur servant de capharnaüm à toutes les religions en mémoire de Nanak, le grand leader de la tolérance religieuse. Nous lui en devons personnellement une reconnaissance extrême à cause de l'inoubliable spectacle qu'il nous procure. À notre droite, des ministres de je ne sais quel culte, vêtus de laine grise, coiffés de feutres pointus et portant d'énormes bracelets de jade en guise de boucles d'oreilles, semblent frappés d'immobilité. À notre gauche, des saints, reconnaissables à leurs cheveux incultes, semblables à des queues de jeunes poulains, et à leur nudité repoussante, sont avachis sous des dômes de marbre. Plus loin, deux prêtres, à barbe blanche et à longs cheveux bouclés, prêchent devant un parterre de femmes avec une sobriété de gestes que cinq derviches tourneurs n'imitent guère à quelques pas de nous. Je n'en finirai plus si je vous les énumérais tout ce qui nous entoure. Au milieu de ces divers centres de stationnement, une foule multicolore va, vient, s'agenouille, piaille, chante, prie, jette des fleurs, se baigne, pendant que des musiques discordantes augmentent l'enthousiasme général et excitent la piété. À l'extrémité de ce jardin s'élève une tour hexagonale à 6 étages, également revêtue d'or et de pierres précieuses, où repose le fondateur de la religion Sikh. En ce lieu, nous sommes obligés de jouer des coudes pour ne pas même apercevoir le cercueil de ce saint qu'une balustrade en fer forgé protège contre le fanatisme de ses spectateurs. Mais il est temps de quitter cette délirante ménagerie, car nous étouffons littéralement. La chaleur des sentiments augmenterait-elle celle de la température. Rentrés en possession de nos chaussures, nous nous faisons conduire chez le principal marchand de cachemire de l'endroit. Le peuple sikh est tellement exubérant qu'on croirait, en traversant les rues, assister à une fête exceptionnelle. Chacun a l'air endimanché. Les hommes sont de superbes gars, couleur de fumée, aux moustaches à la D'Artagnan et à barbe flamboyante. Leurs longs cheveux sont coquettement troussés sous des turbans à tournure de casque et les boucles d'oreilles ainsi que les colliers dont ils s'affublent ne parviennent pas à leur donner un air efféminé. Beaucoup nous saluent militairement, les enfants nous sourient, quelques-uns même nous jettent des fleurs. Enfin, le beau sexe mérite réellement son nom. Que peut-on désirer de plus? Les femmes sikhs, en effet, ont le nez aquilin et la peau à peine teintée. Elles sont petites, mais leurs yeux sont plus grands encore et plus soulignés d'antimoine que ceux des autres indiennes. Et comme elles sont en général potelées, la finesse de leurs attaches et de leurs extrémités, aux ongles roses, n'en ressort que mieux. Si elles se couvraient moins de bijoux, ce serait la perfection. J'en dirais autant des petits crevés dont l'élégance est extraordinaire. Ces Apollons, à peau mate, ont les yeux noircis comme ceux des femmes et presque autant de bijoux qu'elles. Plusieurs même portent des fleurs à la main. Impossible cependant de les trouver ridicules tant ils sont vlants. Après avoir augmenté nos bagages de nouveaux ballots précieux et chargé notre estomac en proportion, nous repartons pour Delhi. Fin du chapitre 10.